9 à Evry, la crème des piracrimes. Des spars partent en rafale, des rap dans le colal, ballon trad, panchlasse même dans ton parc, bras droit d'Arafat. J'rappe sale dans mon square, ça traîne tard, il est de braque dans le noir. Ici ça découpe, c'est te coupe tes roupettes, zigou si tu te couches mec. J'suis trop négatif, jusqu'au coma j'tise. Méga traumatisé, j'explose de méga spliff. C'est pyramide, méga des boules, vis qui ma ville. J'te présente l'équipe la mif, t'en connais peut-être, t'en quitte la mise. Mec, quitte la piste, place à l'essonne, que la salle résonne. V'là mes hommes, donc passe les sous, si tu veux pas qu'on fasse des trous. Un bon conseil, pas de révolte, écartez-vous. Mais cale tes bougles ou cachez où avant que ça pète comme à Beyrouth. Paye, normal t'écoutes, mais raye évrite ton carnet de route. Ray, regarde mes tours, si elle t'effraie, fais pas le fou. Un jour les lionceaux deviendront des rois lions, si, si. Même les amputés de guerre se font sucer le moignon, si, si. Lèche-moi le fion, si, si. Ça baisse des grandes chiennes à blême pro et ça encule Jean-Pierre Pernaut. Un jour les lionceaux deviendront des rois lions, si, si. Même les amputés de guerre se font sucer le moignon, si, si. Lèche-moi le fion, si, si. Ça baisse des grandes chiennes à blême pro et ça encule Jean-Pierre Pernaut. Ça remonte complète comme Papou sur son compète. Nous le rap c'est pas une compète, tu dois trouver sa compète. On bipe jusqu'à ce qu'on pète, le mimique les stars nous pètent. Les comprios c'est nous têtes, les cardiaque c'est nos têtes, la dépression c'est pas nous, les répressions ça c'est nous, nos peines c'est souvent ciment, ce qu'on aime squatter dans le ciment, baiser les tasses au cimé, mais c'est pas tout comme passe-temps, demande à passe tout, ce qu'on fait quand y'a pas de sous. Remets la balle au sang, je viens de la dalle au sang, j'ai la dalle au ventre, mon cœur est cramé, y'a plus que des cendres, à 1 contre 30, y'a plus que mon rap à défendre, mais c'est v'là ma descente, j'appuie sur la détente, toujours à heure pétant, venu rafler le butin, ça tranche à coup de surin, la crème du 9-1, la graine de vilain, Wachibé en renfort, j'ai levé les remparts. Dans ma rue ça vend du shit, chou rap des bécanes. Puis crap de la cesse et caillasse les CRS. À l'aise, on s'impose dans leur système. Cesse de parler, tu vas te mettre à balancer. Pédale, on te fait rigoler sur ta gueule. Moi j'ai le seum pour mon pote au Kaiser. Une sortie, une entrée, un mec de plus enfermé. À fleurir ou à freiner, la santé c'est la même du moment que c'est le Hebs. Un jour les lionceaux deviendront des rois lions, si, si. Même les amputés de guerre se font sucer le moignon, si, si. Lèche-moi le fion, si, si. Ça baisse des grandes chiennes à blême pro et ça encule Jean-Pierre Pernaut. Un jour les lionceaux deviendront des rois lions, si, si. Même les amputés de guerre se font sucer le moignon, si, si. Lèche-moi le fion, si, si. Ça baisse des grandes chiennes à blême pro et ça encule Jean-Pierre Pernaut. Le ghetto m'appelle Facio, mange mon flou en pleine face. Face à moi t'as rien car j'ai les rimes qui t'écrasent. On sort des escaliers crades, on baisse que t'es crasseuse. On fume de la bonne cameux, j'découpe des têtes comme Highlander. Mon pouvoir est grand, j'ai la grosse frappe à Mark Landers. Quand j'suis en manque d'inspi, j'prends le temps d'une minute et j'me roule un spliff. Aïe. C'est Scurfy, ouais. Sur le fruit de cet instru, j'essaie de capter mon inspi, mon genius. Quand on m'invite sur un gros jet, un feat, jamais j'en jette. Où je repousse, non, non, non. Surtout si ouais. C'est du 91. Si je te dis que je peux pas le faire, c'est que j'ai pas le vago ou le bolos. C'est que dans mon répertoire, j'ai pas que des mandingues, ouais. Des bandes ou des baptous. Un jour les lionceaux deviendront des rois lions. Même les amputés de guerre se font sucer le moignon. Lèche-moi le fion, ça baisse des grandes chiennes à blême pro et ça encule Jean-Pierre Pernaut.